Comment diriez-vous maintenant « négocier » ? C'est bien « négociar ». Il fallait partir de « négociation ». L'année dernière se dit « el año pasado » et s'écrit en trois mots. « El » (el), plus loin « año » (a, n avec tilde « o » et « pasado » (p-a-s-a-d-o) ». Comment diriez-vous alors ? L'année dernière, mon ami a très bien négocié le contrat. Notez que « muy bien » s'utilise après le verbe, puisque l'on dit littéralement « l'année dernière, mon ami négocia très bien le contrat ». El año pasado, mi amigo negoció muy bien el contrato. El año pasado, mi amigo negoció muy bien el contrato. L'action décrite a eu lieu à un moment précis dans le passé, l'année dernière. Elle désigne un point sur la ligne du passé qui n'a pas de rapport avec le présent. Il fallait donc utiliser le passé sans plongeoir. Aviez-vous deviné aussi « contrato » pour « contrat » ? Même si vous n'êtes pas sûr, il faut essayer. Comment diriez-vous maintenant, en utilisant « antes » (A-N-T-E-S) pour « avant » ? Avant, mon ami négociait beaucoup de contrats. Antes, mi amigo negociaba muchos contratos. Eh oui, antes, mi amigo negociaba muchos contratos. On décrit ici une action qui se répétait dans le passé. Il fallait donc employer le temps des longueurs. Et comment traduirez-vous « Cette année, mon ami a négocié beaucoup de contrats » ? Ici, on parle d'une action qui a eu lieu pendant un intervalle de temps qui se prolonge jusqu'au présent. Cette année. Cette année n'est pas terminée. Il vous faut donc un passé avec plongeoir. Dites-moi alors. Cette année, mon ami a négocié beaucoup de contrats. Este año, mi amigo ha negociado muchos contratos. Este año, mi amigo ha negociado muchos contratos. Comme pour la phrase précédente, il fallait utiliser « muchos » pour « beaucoup de ». On l'accorde toujours au mot qui le suit et on ne traduit pas « de ». Vous vous tromperez souvent au départ, c'est sûr, mais « poco a poco », cela deviendra « automatico », donc pas de souci. Voyons maintenant une toute autre phrase. Si « plus » se dit « más », « m » à accent aigu « s » et « jeune »« joven », « j-o-v-e-n », comment diriez-vous « si j'étais plus jeune » ? Utilisez « si fuera » pour dire « si j'étais ».« Si fuera más joven ».« Si fuera más joven ».« Si j'étais » se dit toujours « si fuera ».« Fuera » est le verbe « ser » au subjonctif passé. On n'utilise donc pas le ton des longueurs comme en français. Si « riche » équivaut à « rico » R-I-C-O au masculin et « rica » R-I-C-A au féminin, comment diriez-vous « si j'étais riche » ? « Si fuera rico » Vous direz « si fuera rico » si vous êtes un homme et « si fuera rica » si vous êtes une femme. Imaginez maintenant que vous êtes Carmen. Si « appartement » se dit « piso » P-I-S-O, et en utilisant N, E-N pour A, comment diriez-vous ? Si j'étais riche, j'achèterais un appartement à Mallorca. Si fuera rica, compraría un piso en Mallorca. Oui, ce serait bien. On pourrait tous vous rendre visite. En Amérique latine, vous emploierez departamento. D-E-P-A-R-T-A-M-E-N-T-O, à la place de « piso ». Revenons à notre phrase. « Si fuera rica, compraría un piso en Mallorca ». On utilise toujours le conditionnel, ce ton se terminant par « ria », après des structures comme « si fuera »,« si pudiera »,« si tuviera »,« si hablara ». Ce ton sert à indiquer ce que l'on ferait si on était riche, si l'on avait plus de temps, etc. Il est donc lié à une condition, d'où son nom, conditionnel. Revenons au temps des longueurs. Comment diriez-vous? Quand j'étais jeune, je sortais tous les soirs. Décomposons d'abord la phrase. Je vous rappelle que quand se dit cuando. Maintenant, traduisez quand j'étais jeune. Bien. Cuando era joven. Dites maintenant, en utilisant todas las noches pour tous les soirs, je sortais tous les soirs. Salía todas las noches. Salía todas las noches. Essayez maintenant de redire la phrase. Quand j'étais jeune, je sortais tous les soirs. Cuando era joven, salía todas las noches. Cuando era joven, salía todas las noches.